Je vous rappelle que vous écoutez l'émission spéciale Canrock 25 ans en direct de la salle Roland-Desroches ici à Penetanguishene. Cette émission-là est produite par CFRH 881-1067 et nous célébrons bien sûr un anniversaire remarquable en faisant un retour sur l'évolution de la musique de la francophonie musicale canadienne. Merci à Carl Monette et Alexandre Bergeron de CFRH pour leur appui dans cette belle aventure ce soir. Et merci aussi à André Sange de Ciboulette et compagnie. L'Ouest canadien a souvent été un énigme pour moi, même si on m'avait donné les coordonnées de Normand Dugas. Ce dernier avait produit quelques albums d'artistes de l'Ouest, des compilations. C'est pas vraiment évident. Il n'y a pas de structure comparable à l'Acadie. Et puis, les grands espaces, souvent les grands espaces entre les provinces de l'Ouest, c'était l'obstacle majeur. Eh bien, pour nous en parler, un gars que j'ai rencontré au fil des années et qui est vraiment au cœur du développement du réseau des galas de chansons dans l'Ouest canadien. Il est l'auteur de l'ouvrage « Franchir l'espace, la musique francophone de l'Ouest et du Nord canadien » aux éditions Blé de Saint-Boniface au Manitoba. Donc, voici mon entretien avec Ronald Tremblay. Eh bien, pour l'Ouest canadien, ce fut toute une histoire. Chanson par chanson, artiste par artiste, j'ai réussi à, au compte-gouttes à amasser une petite banque de chansons à diffuser. Je remercie entre autres Normand Dugard, qui au début m'a aidé. Et on m'a envoyé sur une autre piste, celui de Ronald Tremblay, qui lui était au cœur de cette évolution-là de la musique de l'Ouest canadien, la musique francophone. Bonjour Ronald, ça va bien? Bonjour Marc, ça va, merci. Écoute, ça fait 25 ans que Canrock existe. Au début, l'industrie musicale francophone dans l'Ouest, c'est pas vraiment très évident là, comme industrie là. Non, ce l'était pas, puis ce l'est pas encore aujourd'hui, hein, parce que les histoires à succès qu'on a eues dans l'Ouest, moi je dirais depuis 30 ans, parce que cette année, on fête les 30 ans de la chanson d'ici, à travers l'Ouest, c'est qu'il y a eu des avancées, évidemment, mais il y a eu une réalité, c'est le territoire. Le territoire est grand, ça va beaucoup mieux depuis que les moyens de communication sont accélérés puis plus disponibles, mais il y a toujours un peu cet aspect territorial. Quel a été l'élément déclencheur qui a fait que on va se bâtir une petite industrie puis on va réussir à s'entraider l'un et l'autre et à développer une industrie musicale francophone dans l'Ouest? Quel est l'élément déclencheur? Bien, sans me donner trop de crédit là-dessus, mais à un moment donné, j'ai été à la une d'une conversation au sujet du fait qu'on avait peu de matériel à diffuser en ondes. Moi, j'étais réalisateur à Radio-Canada à ce moment-là, ici en Alberta. Puis, évidemment, je me suis fait des alliés au Manitoba, en Saskatchewan, des gens que j'avais rencontrés au fil de ma carrière. Puis, il y a eu une espèce de mouvance de ce côté-là. Le Chant-Ouest, ensuite, qui s'appelait le Gala interprovincial, ça a été l'occasion pour les communautés aussi, de les artistes sur le terrain, puis les administrateurs de se mettre à bord. Puis, c'est comme ça qu'il y a eu une espèce de mouvance. Puis après ça, évidemment, sur un grand territoire comme ça, d'à peu près, presque 2000 kilomètres, il a fallu accélérer les conversations et tout ça. Puis, Ça s'est fait raisonnablement bien aussi. Je voulais te poser la question. 30 ans de Chant d'Ouest, poser la question, c'est y répondre dans un sens. Ça a évolué, ce concours-là, et aujourd'hui, le chemin parcouru, est-ce que on s'attendait à ça ou ça a été plus ardu pour se rendre jusqu'à aujourd'hui? C'est un peu une question avec peut-être une double réponse. C'est que ça continue d'être relativement ardu à mon avis à moi. Mais c'est pour les raisons que j'ai étalées tantôt. C'est à cause de la grandeur du territoire, quatre cultures pas mal distinctes à travers l'Ouest et tout ça. Mais il y a la volonté de tout ça, puis le succès de tout ça, c'est vraiment assuré par les artistes. Les artistes aussi ont été vraiment partie prenante là-dedans. Ils n'ont pas été juste des récepteurs passifs des services. À un moment donné, là, quand on regarde maintenant les associations à travers l'Ouest, ils sont administrés par des artistes, des gens qui ont fait de la chanson, des gens qui ont fait les galas de la chanson, le Chant Ouest, tout ça, qui ont fait des disques et qui maintenant gagnent aussi leur vie à administrer. Donc, je dirais que dans les 10 dernières années, il y a eu quand même aussi cette mouvance-là, puis je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. La suite est prometteuse, mais jusqu'à date, on dirait que on est encore sur cette espèce de volonté d'avancer, mais c'est pas toujours facile. Et vous avez sorti aussi Franchir l'espace, qui est un guide vraiment formidable. Il y a des choses que j'ai appris là-dedans. Pour savoir d'où on va, pour savoir d'où on vient, on établit ça. Maintenant, l'avenir, là, comme tu disais, c'est quand même prometteur, l'avenir, mais est-ce qu'il y a des choses à modifier, à changer, à travailler plus sur d'autres choses que sur une certaine chose? Moi, je dirais que changer, je pense pas qu'il y a rien à changer. Moi, je pense qu'il faut tout simplement continuer d'avancer. Mais c'est drôle, la question m'a été posée il y a quelques mois, puis je pense que ma réponse demeure un peu la même là-dessus. C'est que ce qui est un peu triste, si on veut être nostalgique là-dedans, c'est que je pense que les artistes dans 20 ans qui viennent de l'Ouest, qui viennent de l'Acadie, de l'Ontario ou du Québec, ils vont tous être mesurés de la même façon. Il y a évidemment à travers l'Ouest, il y a aussi un grand mouvement de gens qui viennent d'un peu partout. On a des Africains, on a plein de gens qui viennent apporter vraiment une fragrance supplémentaire. Puis ça va être difficile dans 20 ans de différencier, donc de différencier les différentes cultures. Donc, je pense que qu'est-ce qui est important, c'est que chaque artiste fasse son possible et avance. Moi, je suis optimiste, excepté qu'on va peut-être, là, pour les nostalgiques, perdre un peu de ces particularités régionales qu'on avait, mettons, il y a 30, 40 ou même 50 ans. Eh bien, c'est tout bon. Oui. Moi, je trouve que c'est bon. Oui, good. Il y a au moins ça. Merci bien, M. Ronald Tremblay, un des responsables, justement, de l'œuvre Franchir l'espace, la musique francophone de l'Ouest et du Nord canadien, aux éditions Blé à Saint-Boniface, au Manitoba. Mettez la main là-dessus, c'est vraiment très intéressant. Et merci d'avoir dressé un peu le portrait de la musique de l'Ouest qui continue à produire, et ça, c'est vraiment bien plaisant. Et je te relance en terminant que ça fait longtemps que tu t'intéresses, toi, Marc, à la musique d'ici et de la musique d'ailleurs. T'es un de nos porte-étendards préférés. Puis, je veux dire, quand on te mentionne ici dans l'Ouest, on mentionne quelqu'un qui est un ami de notre chanson. Fait que merci beaucoup pour ça. De rien, ça fait plaisir. Oh, OK, donc. Bye-bye. Un appel à nos sens. Elle nous ouvre des voies, des passages que je voudrais prendre, mais j'ai pas le courage. Évaluant le temps qu'on passe, il me semble si azotin de se suivre, de se soumettre au fait qu'après tout, qu'après tout, nous ne sommes qu'humains, nous ne sommes qu'humains. Écrevère de nos deux mains, quand tout devient un rien, et l'on cherche et l'on recherche encore. Et que faire de nos deux mains, quand tout devient un rien, et l'on cherche et l'on recherche encore. J'observe tous les mots qui me survolent comme des oiseaux, me deviennent une proie. Il me faut violer leur sens, il me reste ce défaut de conscience. Si je chante pour me contenter, je comprends pas, je comprends pas ma volonté, ma volonté. Et que faire de nos deux mains, et l'on cherche et l'on recherche encore. Et que faire de nos deux mains, quand tout devient un rien, et l'on cherche et l'on recherche encore. Vous écoutez Canrock 25 ans, l'émission spéciale qui célèbre les 25 ans de l'autoroute de la francophonie musicale canadienne. Nous sommes en direct de la salle Roland Desroches ici à la Penetanguishene au 63 rue Main. Et bien sûr, les derniers blocs que je veux vous proposer, c'est des artistes avec qui j'ai évolué au cours des années. Sans aucune prétention, je peux ainsi dire que mon humble effort de partager la richesse de la musique franco-canadienne a fait en sorte qu'il y a des artistes comme ça qui m'ont accompagné tout au long du trajet. Dans l'Ouest canadien, il y a Annick Granger de la Saskatchewan, qu'on a entendu tantôt avec Polyester. Mais elle a connu une belle carrière solo également. C'est un nom reconnu au sein de la francophonie canadienne pour ses beaux textes, sa musique intéressante, son jeu de guitare et sa voix. Voici mon entretien avec Annick Granger. S'il y a une artiste francophone de l'Ouest canadien qui m'a charmé depuis ses débuts et encore aujourd'hui, elle me séduit, elle me bouleverse avec tous ses projets super intéressants, c'est Annick Granger. Elle a une écriture de chansons qui lui est propre, un jeu de guitare hors du commun et elle ne cesse de se réinventer. Bonjour Annick, comment ça va? Allô Marc, ça va bien? Écoute, Polyester, ça fait quoi? Ça fait 20 ans, 25 ans? Oh my God, je sais pas. Ça commence à faire un petit moment. Oui. Et puis, au début de Polyester, bon, vous étiez un groupe de la Saskatchewan. L'industrie franco-ouest, l'industrie musicale de l'Ouest canadien, c'était pas évident là, à cause des grands espaces et puis toutes les contraintes que vous aviez dans chacun des régions de l'Ouest canadien. Là. Ben non, c'est ça. À cette époque-là, c'était vraiment pré-Internet, là, pour dater ça encore plus. Oui. Tu avais vite fait le tour. Il y avait la fête franciscoise, la fête franco-albertaine. Puis, tu sais, si tu allais jouer au Festival du Voyageur, tu frappais vraiment le gros lot, là. Mais tu avais vite fait le tour des petites communautés dans l'Ouest. Puis, éventuellement, c'est pour ça que nous, on a choisi de venir s'établir au Québec. Comme jeune artiste de l'Ouest canadien, en groupe ou en solo, là, avec Polyester ou ton début de carrière solo, quel artiste t'a influencé? Qu'est-ce qui t'a encouragé à faire de la musique en français? Je sais pas, il y en a vraiment beaucoup. Tu sais, je pense dans les débuts, on s'est souvent retrouvés dans des tournées avec plein de monde. Je me souviens qu'on a fait une grosse tournée avec Luc de la Rochelière. Marie-Jo Thériault a vraiment été une grande influence pour moi dans ses premières années de musique, quand elle était vraiment active aussi. On écoutait La Maline non-stop sur repeat. Puis beaucoup de des gens qui faisaient la même chose que nous, tu sais, il y a toujours eu les campagnes, il y avait Art Rouge, il y avait tu sais, la famille Marchildon qui faisait beaucoup de musique dans mes débuts aussi. Tu sais, c'était des collègues, puis on avançait ensemble. Et on s'encourageait. Donc, il fallait défraîchir un peu cette industrie-là. Là. C'est ça. Puis aussi, je sais qu'on avait toujours une grande affinité aussi avec les artistes de l'Acadie. Tu sais, Polyester, on travaillait un peu en parallèle avec un groupe qui s'appelait Zéro Degré Celsius, qui était l'ancien groupe de Joseph Edgar. Mm-hmm. Tu sais, on partageait un peu pas des mêmes problématiques, mais les mêmes défis, les mêmes le fait d'être un petit peu culturellement différent de ce qui se passait, puis d'avoir un son qui nous est propre aussi. Je sais que pour nous, c'était des artistes que j'admirais beaucoup. Encore aujourd'hui, tu te remets toujours en question, et je pense que c'est une de tes qualités. Tu es tout le temps à la recherche de la meilleure Annick Granger, avec ton projet, entre autres, Ruban de la cassette, qui est super intéressant. Je te demande un moment de réflexion, là. Es-tu surprise du parcours que tu as fait venir jusqu'à date? Oui, oui et non. Tu sais, je vais dire non parce que c'est ce que je voulais. Tu sais, si tu m'avais demandé il y a 20 ans, qu'est-ce que tu vas faire dans 20 ans, je t'aurais dit, ben, je vais être encore en train de faire de la musique. Puis, je suis vraiment heureuse et je me sens privilégiée d'être encore en train de faire de la musique maintenant. Puis, pouvoir gagner ma vie à faire ça, en quelque part, je sais que j'ai réalisé mon rêve. Puis, ça n'a pas été tout à fait de la façon que j'aurais pensé. Tu sais, j'aurais pas pu l'imaginer de cette façon ici. C'est long, c'est difficile. Je pense qu'on n'arrive jamais, en tant qu'artiste, on n'arrive jamais à se dire, OK, là, je suis là, je vais arrêter de me remettre en question. I've made it. C'est même quand tu as énormément de succès. Puis moi, je peux pas dire que j'ai énormément de succès. J'ai mon petit chemin que j'ai. Mais je pense que même ceux qui ont un grand succès, ils se disent pas, bon, je suis arrivé. On se dit, OK, qu'est-ce que je fais maintenant? Comment est-ce que je peux continuer à me dépasser? Comment est-ce que je peux écrire différemment ou écrire mieux? Il y a sûrement, comme tu dis, il y a eu des moments difficiles. Est-ce qu'il y a eu des moments de découragement où tu as tout le temps gardé le cap à dire non, je vais y arriver? Non, il y a eu beaucoup de moments de découragement, je t'avoue, vraiment. Puis il y en a encore. Tu sais, je pense que ça fait partie de la game, ça fait partie de juste apprendre à vivre avec l'instabilité. Tu passes à travers un moment de découragement. Avant un album, comme là tout de suite, j'ai un album qui sort bientôt, puis c'est comme l'inconnu. Puis là, tu travailles, mais avec pas de retour. Alors ça, c'est des moments qui sont souvent assez difficiles. C'est comme arriver à la ligne d'arrivée d'un projet, puis te dire, j'ai aucune idée ce qui va arriver quand je lance cet album dans l'univers, j'ai aucune idée si les gens vont l'aimer. Alors ça, je sais que c'est un petit creux à passer, mais je l'ai fait tellement souvent que, OK, je pense que ça va aller. Je sais que arrivé de l'autre bord, je vais recevoir des commentaires. J'espère juste que les gens vont aimer, puis ça va me permettre de continuer. Je veux tant que tu m'aimes, mais c'est ça qui m'embête. On a beau dire que sans faire ça ne sert à rien, l'amour est un chemin qui va loin, loin. Bonne sœur, le curé, les dents de lait sous l'oreiller, obsolète, noir et blanc. Et je m'attrape de temps en temps à avancer, à espérer pouvoir rester plus qu'un instant. Mais obsolète, je regrette que l'avenir soit si inquiétant. Je me ramène vers le présent. Donne mon cœur, prends-en soin, soin, soin. Je suis obsolète.